Chapitre 17e. Lorsque, le soir venu, le colonel seul avec lui-même examina les incidents de sa journée et se rappela les paroles de son long entretien avec Thérèse, il se demanda s'il avait bien tenu son serment. Assurément, le mot « amour » ne s'était pas trouvé une seule fois dans ses paroles. Mais 20 fois, mais 100 fois, cet amour qu'il n'avait pas voulu nommer avait été affirmé sous toutes les formes, développé de toutes les manières. Il n'est pas nécessaire que nos lèvres prononcent les mots mêmes « je vous aime » pour avouer et confesser notre amour. Un regard, une intonation, un geste, le silence ont souvent plus d'éloquence que les paroles les plus ardentes et les plus passionnées. Ces regards, ces intonations, ces gestes, ne les avait-il pas eus 20 fois en s'adressant à Thérèse? Combien souvent même ces silences, qui en disent tant, n'étaient-ils pas venus le trahir? Son affectation à remplacer les mots trop significatifs par d'autres plus vagues n'avait-elle pas été un aveu? Thérèse n'était pas aveugle, elle n'était pas sourde, elle voyait, elle entendait, elle sentait. Qu'avait-elle dû penser de ce mélange de tendresse et de retenue, de ses élans et de ses réticences se mêlant et se succédant? Tout cela n'était-il pas inexplicable pour elle? Et l'inexplicable ne devait-il pas la jeter dans le doute et dans la souffrance? Ne pouvait-elle pas croire qu'il se jouait d'elle et qu'il en serait de ses nouveaux témoignages de tendresse comme il en avait été des premiers? Un beau jour, sans raison appréciable pour elle, à l'affection la plus vive, succéderait l'indifférence et l'abandon. Assurément, cette idée d'abandon s'était présentée à elle lorsqu'elle lui avait dit « Vous partez ?» Et c'était lui qui s'était fâché, alors qu'elle-même avait tant de justes motifs pour laisser échapper ce cri. Puisqu'il s'était éloigné d'elle une fois, pourquoi n'admettrait-elle pas qu'il pouvait s'éloigner encore? Son attitude n'était-elle pas celle d'un homme qui a peur de s'engager, de telle sorte qu'il ne lui sera plus permis de se retirer? Pouvait-elle deviner l'engagement qu'il avait pris? Décidément pour elle, pour lui et enfin pour cet engagement même qu'il voulait tenir, il était bon qu'il ne provoquât pas des entretiens tels que celui de cette journée. Heureusement, les circonstances dans lesquelles il se trouvait étaient favorables à l'exécution de cette résolution. En effet, l'organisation du bataillon de volontaires d'une part et celle de l'ambulance d'autre part étaient d'assez grosses affaires pour prendre tout son temps et ne pas lui laisser le loisir de s'entretenir de choses intimes avec Thérèse. Pour le recrutement de ce bataillon, il s'en était entièrement remis à son oncle et à Michel, mais il lui était resté l'équipement, c'est-à-dire la partie la plus difficile de la tâche, celle qui exigeait le plus de soins et de peine. Il fallait examiner des chaussures, comparer des étoffes, essayer leur solidité, compter les fils et tout cela rapidement, en quelques mots, pressant l'activité des fournisseurs, modérant leur rapacité. Mais ce travail n'était que peu d'importance comparé à celui qu'exigeait l'ambulance. Car non seulement il fallait organiser matériellement cette ambulance, c'est-à-dire élever les tentes, établir leur chauffage, acheter leur ameublement, mais encore il fallait choisir son personnel en médecin, infirmier, lingère, gens de service. Puis en même temps, il fallait passer des marchés pour son approvisionnement en vivres et en chauffage pendant tout le reste du siège. Précisément, parce qu'il ne pouvait pas être chez lui, le colonel ne voulait pas laisser une aussi grosse question que celle des vivres et du chauffage, pendant un siège qui pouvait devenir un blocus, à la charge de Thérèse. C'était une responsabilité trop lourde et qui l'eût écrasée. Aussi préférait-il la remettre à des fournisseurs qui, en vue du bénéfice certain, consentaient à l'assumer et à signer des marchés dont l'exécution était assurée par des dédits considérables. L'habileté et l'intelligence des ouvriers parisiens sont assez universellement reconnues pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en parler. Cependant, il est des cas où, chose étrange, cette habileté et cette intelligence sont plutôt un désavantage qu'un avantage. Précisément parce qu'il a conscience de sa valeur, l'ouvrier parisien est peu disposé à écouter ce qu'on lui explique. « Très bien, j'ai compris, ça suffit !» sont ses premières paroles avant même qu'on ait fini de lui dire ce qu'on veut. Et il va de l'avant, non d'après les explications qu'il n'a pas pris la peine d'écouter, mais d'après sa propre inspiration. Pour être exact, il faut dire que cette inspiration est parfois excellente et qu'elle conduit à des résultats étonnants. Mais parfois aussi, elle est malheureuse. Elle arrive à des résultats désastreux. Cela surtout se produit lorsqu'il s'agit de choses complètement nouvelles ou qui sont tout à fait en dehors des usages et de la tradition. Alors on va à l'aventure, avec le hasard seul pour guide. Or, ce que le colonel demandait pour la construction de ses tentes était justement en dehors des usages et de la tradition. Mettre des blessés sous des toiles, dans un jardin, au commencement de la mauvaise saison, quand on pouvait les installer dans de bons appartements bien clos, avec un plancher sous les pieds et un plafond sur la tête. Ce fut la réponse que lui firent toutes les personnes raisonnables auxquelles il fut obligé de s'adresser. Son architecte, ses entrepreneurs de charpente et de fumisterie. Heureusement pour le projet du colonel, le matériel d'ambulance exposé en 1867 par une société américaine était resté à Paris. Il put le faire visiter par ses entrepreneurs ainsi que par ses ouvriers, et ses explications devinrent plus facilement compréhensibles. Cela ne cessait pas d'être absurde, mais enfin, cela était possible. Et l'on s'était mis au travail dans le jardin bouleversé et transformé. De toutes les personnes qui l'entouraient, le colonel n'en avait trouvé qu'une seule, qui ne lui avait pas fait une opposition obstinée. C'était Sauriol. Sauriol, en effet, aimait tout ce qui était nouveau, et il suffisait souvent qu'une chose fût inconnue pour qu'il l'adoptât avec passion. Il la démontrait et la faisait connaître. Elle lui appartenait. Elle devenait sa chose à lui. Volontiers, il se figurait, de la meilleure foi du monde, qu'il l'avait inventée, en tout cas qu'il l'avait prodigieusement perfectionnée, et personne n'avait plus le droit d'y toucher. Pas plus pour la critiquer que pour l'approuver. La critique, il ne la supportait pas. L'approbation, il s'en chargeait de telle sorte qu'il eût été vraiment superflu de lui venir en aide. Ce fut ce qui arriva avec le projet du colonel. Une fois qu'il l'eut compris et étudié, il se l'assimila si complètement qu'il devint le sien. En l'entendant parler, on aurait pu croire qu'il avait passé tout le temps de la guerre de sécession dans les hôpitaux de Chestnut Hill, de Washington, de Point Lookout, et qu'il les avait étudiés à fond. Mais il était tout à fait admirable. C'était lorsqu'on le contredisait. « Vous me dites que nos blessés auront froid, » s'écria-t-il. « C'est bien là votre objection. » « Il me semble que sous une toile, à cette saison, très bien, ils doivent avoir froid. Vous ne voyez que la question du froid et pas celle de l'aération. Alors dites tout de suite que vous ne connaissez pas les exhalaisons des blessés et l'odeur qui s'échappe de la sécrétion de leurs plaies pour développer dans l'atmosphère des miasmes dans lesquels prennent naissance des maladies terribles. La résorption purulente, la pourriture d'hôpital, les récipèles, la pyoémie, le typhus. » Et il allait ainsi, défilant un chapelet de maladies plus effroyables les unes que les autres. Vous ne savez donc pas que dans les hôpitaux, les blessés meurent, tués plutôt par l'hôpital que par la blessure même. Les murs, les plafonds, les planchers de ces hôpitaux ne tardent pas à s'imprégner de miasmes qu'on ne peut chasser, et qui font sans cesse de nouvelles victimes. Sous nos tentes, rien de cela n'est à craindre. Pas d'infection, une ventilation parfaite. À ce mot, il ne fallait pas dire que peut-être cette ventilation était trop parfaite. Je vois que vous voulez revenir à la question du froid. Revenons-y. Je pourrais vous répondre que le froid est quelquefois salutaire aux blessés. Je ne le ferai pas parce que cela nous entraînerait trop loin. Je veux seulement vous prouver que sous nos tentes, nous avons tout autant de chaleur, aussi bien que tout autant de froid, que nous voulons et que nous n'avons jamais d'infection. Venez avec moi. Si c'était à l'autre bout de Paris qu'on avait eu l'imprudence de soulever cette discussion, il vous prenait par le bras, et de gré ou de force, il vous forçait à venir avec lui. Voyez comment sont construites mes tentes. La charpente se compose de deux mâts verticaux et d'une poutre transversale. Sur cette charpente, nous établissons deux tentes en étoffe de coton très serrée, que nous appelons cotton duck, et qui sont recouvertes d'un enduit qui les rend imperméables. Entre chacune de ces tentes, nous laissons un vide dans lequel s'établit un matelas d'air. De place en place, dans la toiture, sont des ouvertures par lesquelles se fait la ventilation. Comment trouvez-vous cela? Il fallait répondre qu'on trouvait cela parfait, et c'était le plus souvent ce qu'on faisait de très bonne foi. Maintenant que vous pouvez juger de l'aération, qui est la question capitale, Voyons la question du chauffage qui vous préoccupe tant. Au-dessous du sol sur lequel notre tente est bâtie, règne un système de tuyaux en poterie qui d'un côté vont s'adapter à un poêle placé en dehors de la tente et de l'autre à un tuyau qui sert à la fumée. La chaleur et la fumée passent ainsi sous le sol, qu'elles sèchent parfaitement, ils échauffent assez l'air de la tente pour qu'un thermomètre y monte à 18 ou 20 degrés dans les grands froids. Cette chaleur, venant d'en bas, s'élève naturellement et par les ouvertures du toit emporte miasme et odeur. Si par hasard une des maladies dont je vous parlais tout à l'heure se déclarait, rien ne serait plus facile que d'isoler notre malade et après de ventiler complètement la tente. Nous n'aurions qu'à la relever. Mais il ne s'en tenait pas à cette démonstration. Qui a inventé ce système? Des savants? Non, monsieur, de simples soldats. Tant il est vrai que la nécessité est la grande éducatrice. De malheureux soldats blessés étaient dans une presqu'île de la Virginie, manquant de tout et souffrant du froid. Pour chauffer leur tente, ils construisaient des tuyaux avec de la terre glaise et des branches d'arbres. Puis, pour garder un peu de chaleur, ils placèrent deux tentes l'une par-dessus l'autre. Ils ne firent pas le raisonnement scientifique du matelas d'air, ils firent tout bêtement celui de l'homme qui a froid et qui met deux paletots. Voilà le point de départ de notre système. Et grâce aux tentes et aux baraques en planches, les Américains ne perdirent que 6% de leurs blessés, ce qui ne s'était jamais vu. Au point de vue pratique, une pareille collaboration ne rendait pas de grand service au colonel. Mais sous d'autres rapports, elle lui était cependant utile. Elle l'avait notamment débarrassé des explications à donner aux incrédules et les luttes à soutenir pour la défense de son idée. Sauriol ne supportait pas l'incrédulité, et si l'on avait l'imprudence de vouloir lutter contre lui, on était bien vite réduit à capituler ou à prendre la fuite. Avec un pareil joueur de flûte devant lui, le colonel pouvait s'occuper tranquillement de l'exécution matérielle de son projet. Vous croyez que cela présentera des inconvénients? Allez trouver mon ami Sauriol, il vous prouvera le contraire. Et Sauriol faisait cette démonstration d'une façon victorieuse. Le plaisir de démontrer avait pour lui tant de charme que lorsqu'il n'avait pas une oreille attentive pour l'écouter, il prodiguait ses démonstrations au colonel lui-même. « Il est certain, cher ami, que ce que je vous explique là, disait-il, vous le savez aussi bien que moi. Cependant, vous n'avez peut-être pas considéré la question à ce point de vue, ce qui vous a empêché de découvrir les avantages qu'elle comporte. Ainsi, et tout en écoutant avec plus ou moins d'attention le développement des nouveaux points de vue inventés par son collaborateur, le colonel s'occupait d'un petit détail insignifiant pour celui-ci, mais cependant important. Et ces détails qui échappaient au coup d'œil de Sauriol étaient infinis. Après avoir organisé l'ambulance elle-même, il fallait organiser ses services. Voiture pour aller chercher les blessés sur les champs de bataille, brancardier, cocher, et il fallait organiser aussi le logement de ce matériel et de ce personnel, son équipement, sa nourriture. L'activité qui régnait à l'hôtel Chamberlain contrastait singulièrement avec le calme qui était descendu sur ce quartier naguère si brillant, aujourd'hui désert et mort. Plus d'équipage, plus de fenêtres illuminées. Le silence et la nuit, quelques domestiques oisifs se montraient seulement çà et là, se réunissant pour causer devant les portes des hôtels confiés à leurs gardes. Parmi les hôtels qui n'étaient pas inhabités, se trouvait celui du marquis de Lucilière. Le marquis, il est vrai, était passé en Angleterre avec son haras et son écurie de course qui courait en ce moment même dans toutes les réunions où elle pouvait avoir des engagements, gagnant ainsi à son propriétaire quelques jolies sommes, que celui-ci n'était pas homme à dédaigner. Mais la marquise était restée à Paris. Pourquoi serait-elle partie? Elle n'avait peur de rien ni de personne, et puis un siège, pour elle, c'était le nouveau et l'inconnu. Et il fallait voir ça. Ses amis intimes, qui avaient quitté Paris, avaient voulu l'emmener. Elle avait résisté à leurs prières aussi bien qu'à leur colère. « Non, je veux voir ça. » Il était resté après avoir envoyé son fils en Bretagne. Un jour, en chassant devant son hôtel, le colonel avait vu au-dessus de la porte cochère un immense drapeau à la Croix-Rouge qui volait au vent. Elle aussi avait voulu avoir son ambulance, seulement elle avait pris moins de peine que le colonel pour l'organiser. Sous les combles, dans l'appartement de son fils, elle avait disposé 6 lits, où les blessés seraient tout à fait bien et pas gênants du tout. C'était Horace qui avait donné cette nouvelle au colonel et qui lui avait répété ces paroles qui étaient celles même de la marquise. Car il avait eu l'honneur de voir Madame de Lucilière, qui avait même bien voulu l'arrêter dans la rue pour lui demander quelles étaient ces machines que le colonel faisait élever dans son jardin. Il avait donné à la marquise toutes les explications possibles, et elle avait paru vivement s'intéresser à tout ce qu'il lui avait dit. Il croyait même avoir remarqué que la marquise était curieuse de visiter cette organisation. Cependant, elle ne l'avait pas demandé, et lui, de son côté, ne s'était pas permis de le lui proposer, parce que, enfin, il ne se l'était pas permis. La marquise, chez lui, vraiment, la visite eût été heureuse. Et cependant, elle était femme à risquer cette visite. N'avait-elle pas été chez Thérèse? Dans quel but ?